L'œuvre finale de Dieu n'est pas seulement de punir l'homme, mais d'arranger sa destination et de recevoir la reconnaissance de tous pour tout ce que Dieu a fait. Dieu veut que chaque personne puisse voir que tout ce qu'il a fait est juste. Et une expression de son tempérament. Non, ce ne sont pas les faits de l'homme ni de la nature qui ont créé les êtres humains. Plutôt, c'est Dieu qui nourrit tout être vivant parmi toutes choses, parmi toutes choses. Dieu est le seul salut, le seul espoir de l'humanité, le seul sur qui repose l'existence de toute l'humanité. L'œuvre qui a été faite par Dieu ne peut être faite par personne d'autre. Il espère juste que l'homme puisse le lui rendre par de bonnes œuvres. Sans Dieu, l'homme ne peut que périr, être assailli de désastres. Nul ne verra plus le monde vert, ni la beauté du soleil et de la lune. Sans Dieu, l'homme n'avancera plus, l'homme n'affrontera que la nuit glaciale et l'inexorable vallée de l'ombre de la mort. Sans Dieu, l'homme ne peut que souffrir, se faire piétiner par tout genre de fantômes. Bien qu'aucun ne tienne compte de lui, de lui. Dieu est le seul salut, le seul espoir de l'humanité, le seul sur qui repose l'existence de toute l'humanité. L'œuvre qui a été faite par Dieu ne peut être faite par personne d'autre. Il espère juste que l'homme puisse le lui rendre par de bonnes.